avec ma figure barrée de caillots de sang. Musique Jackie. Morceau. Living All Really Learn. Living All. Projet musical. Really Learn. Ikai Bana. Projet musical. Ikai Bana.